Les ateliers, ils étaient hors de la maison ou alors ils étaient souvent installés dans la maison. Dans la maison, les artisans c'était dans la maison. Ah mais oui, il y avait une pièce réservée pour l'atelier, c'est tout. Mm-hmm. Mais oui. Mm-hmm. Ah, oui.